La radiodiffusion française présente par transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie-Française Salle Luxembourg à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter Les Temps Difficiles, pièce en quatre actes d'Édouard Bourdet, mise en scène de Pierre Dux, décor de messieurs Émile Théry et Pierre Delbé et de madame Suzanne Lalique. Veuillez écouter la présentation de notre transmission de monsieur François Duroux. Les Temps Difficiles, la pièce que vous allez entendre et qui appartient maintenant au répertoire de la Comédie-Française, cette satire parfois cruelle mais toujours finement observée de la grande bourgeoisie d'argent d'avant 1939, est certainement l'œuvre la plus dramatique d'Édouard Bourdet. Les comédies d'Édouard Bourdet furent écrites et représentées au cours des 32 années qui s'échelonnent du début de 1910 à la fin de 1942. Deux seulement, Le Rubicon, 1910, et La Cage ouverte, 1912, date d'avant la guerre de 1914. Édouard Bourdet était très jeune alors, il n'avait pas 30 ans. Deux pièces également, Hyménée, 1941, et Père, 1942, sont postérieures à 1939. Les neuf autres appartiennent au temps de l'entre-deux-guerres. Parmi celles-ci, Les Temps difficiles, repris en 1948 au Théâtre français, mais dont la répétition générale fut donnée le 29 janvier 1934 à ce théâtre de la Michaudière, auquel Édouard Bourdet resta fidèle depuis Vient de paraître, 1927, jusqu'à sa mort, avec une seule exception pour Margot, représentée en 1935 à Marigny. Édouard Bourdet est donc, en fait, un auteur d'entre les deux guerres. Il a peint essentiellement les mœurs de cette période qui va de 1920 à 1936, et qui fut celle de ses grands succès. Son théâtre, en particulier Les Temps difficiles, est de forme traditionnelle. Il appartient à ce que l'on nomme le théâtre de boulevard, mais au meilleur théâtre du boulevard. Il porte la marque d'une époque, et rien ne se démode plus vite que les pièces trop datées. Il aurait donc pu sombrer avec tant d'autres comédies à succès, tuées par la guerre de 1939-1945. Or, Les Temps difficiles, vous allez vous en rendre compte, tiennent fort bien. D'autre part, la récente reprise d'Hyménée a été chaleureusement accueillie par la critique et par le public. Giraudoux et Bourdet, pour des raisons très différentes, ont traversé presque sans dommage les temps difficiles que nous avons vécus et sont demeurés à travers les changements que ceux-ci ont apportés. On peut penser que ce qui a sauvé le théâtre d'Édouard Bourdet, c'est d'abord sa probité. Probité de l'observation, probité de l'expression. C'est aussi parce que les pièces de Bourdet sont solidement construites. Elle représente le type même de la pièce bien faite, un peu dédaignée par les auteurs d'aujourd'hui, mais qui a gardé son action sur les spectateurs et les auditeurs. Madame Denise Bourdet, dans un livre consacré à son mari, nous a dit comment Édouard Bourdet travaillait. Il ne faisait jamais de plan, mais la construction d'une comédie était pour lui l'objet de minutieuses méditations. Ce n'est que lorsqu'il avait ses trois ou quatre actes solidement établis dans la tête qu'il commençait à les écrire. Il ne partait jamais à l'aveuglette, sur une jolie idée de premier acte, comptant sur les personnages pour lui apporter un dénouement. Plusieurs critiques ont reproché à Édouard Bourdet, et non tout à fait sans raison, me semble-t-il, le dénouement un peu brusqué des temps difficiles, qui en même temps qu'un dénouement, est un peu l'amorce d'un nouveau sujet. Or, nous dit Madame Denise Bourdet, le dénouement était en réalité le point de départ de la pièce. C'était pour exploiter l'idée du dénouement qu'Édouard Bourdet avait conçu l'étonnante famille Antonin Fort, le singulier Bob Laroche et entrevu l'écroulement des plus sûres valeurs bourgeoises. Édouard Bourdet procédait presque toujours de la sorte. Il trouvait d'abord la solution d'une situation et il réfléchissait en quelque sorte à rebours, inventant peu à peu le milieu et les personnages qui avaient engendré le conflit. Et voilà comment la méthode de travail d'un auteur peut expliquer bien des choses et notamment les qualités et les défauts d'une pièce de théâtre. Voici quelle sera la distribution des temps difficiles d'Édouard Bourdet. Jean de Bucourt, Marcel. Louis Seignier, Jérôme. Jacques Charon, Maxime. Robert Hirsch, Bob Laroche. Jacques Servière, Armand. Jean Piat, Jean-Pierre. Madame Béatrice Bretti, Mélanie. Germaine Rouer, Suzy. Henriette Barrault, Charlotte. Monie Dalmès, Anne-Marie. Maria Fromet, Loulou. Suzanne Nivette, Madame Antonin Fort, Denise Pezzani, Julie, et M. Drancourt, Cyprien, mise en scène de M. Pierre Dux. Le décor du premier acte représente une grande terrasse d'un somptueux hôtel particulier, au lointain vue magnifique sur la campagne, meubles de jardin à gauche, entrée de l'hôtel conduisant aux appartements. Nous sommes chez Jérôme Antonin Faure. Est très difficile. Vous ne voyez pas la figure de Jérôme depuis 2 mois? Bon, du reste, il y a de quoi. Morsan est complètement arrêté. Génicourt aussi. La Grangette ne marche plus que 3 jours par semaine. Quant à mes gens, on y achève une commande pour le ministère de la guerre que Jérôme a eu toutes les peines du monde à obtenir. Mais quand cette commande sera livrée, qu'est-ce qui se passera? On n'en sait rien. Mais pourquoi laisse-t-on Morsan et Génicourt arrêter? Mais parce qu'il n'y a plus assez de commandes, ma mère. Et vous vous figurez que ce sont les Lyonnais qui vous en donneront? Eh bien, croyez-moi, s'ils en ont, ils les garderont pour eux. Cyprien! Qu'est-ce que vous voulez, ma mère? Je voudrais qu'il emmène Frimousset. C'est son heure et il commence à s'agiter. Je vais le sonner. Oh, à quoi bon? Veux-tu ne pas dire de bêtises? Vous savez bien que ce sera comme la dernière fois. Ce ne sera pas comme la dernière fois si tu ne fais pas d'imprudence. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors pourquoi veut-on à tout prix? J'en ai... Allons, voyons, ne t'énerve pas. Mais oui, Cyprien va venir te chercher, reste tranquille. Madame a sonné. C'est pour le chien. Tenez. Ne le perdez pas de vue, n'est-ce pas? Ne le laissez pas aller à la cuisine comme hier. Non, non, madame. Et rapportez-le-moi aussitôt que ce sera fait. Bien, madame. Il y avait longtemps... La garde est avec elle? Mais oui, ma mère, elle ne la quitte jamais. Seulement, elle a laissé la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. J'espère que Frimousset ne l'aura pas entendu, il meurt de peur chaque fois. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas installé au pavillon comme les autres années? On l'entendait de la route. Tandis qu'ici, c'est nous qui l'entendons. Ça vaut tout de même mieux, ma chère petite. Quand elle crie comme ça, c'est signe d'orage, habituellement. Oh, elle crie même sans orage. Oh. Quoi? Oh, rien, mon cœur. Veux-tu un autre coussin? Oh non, merci. Je me demande si tu n'es pas un peu douillette, Loulou. Ah! Tu t'écoutes un peu trop. Nous avons tout été enceintes. Mais vous n'avez pas commencé par faire 2 fausses couches, mère. C'est toute la différence. Tu as l'air de nous en vouloir. Oh, pas à vous. Mais à Maxime, oui. Il est assez naturel que ton mari souhaite un enfant, sois juste. Ah oui, c'est entendu. Enfin, il y a beaucoup de chance pour que cette fois-ci j'y reste. Comme ça, ce sera réglé. Dis pas de choses comme ça, veux-tu? Vous en prendrez une autre pour assurer la dynastie, voilà tout. Madeleine Mouriez, tenez. Ou Simone Ardelot. Elles ne demanderont pas mieux. Quelle folie tu racontes. Mais calme-toi, voyons, calme-toi. C'est l'orage. Ah, il s'est bien conduit. Très bien, madame. À la bonne heure. Vous n'oublierez pas sa petite soucoupe de lait tout à l'heure. Non, non, madame. Avec un demi-morceau de sucre, n'est-ce pas? Mais vous êtes sûre que l'oncle Armand viendra ce soir? Il l'a dit. Hier aussi, il l'avait dit, il n'est pas venu. On ne pourrait pas... téléphoner à la clinique. Cyprien, tu ne te sens pas bien? Je voudrais qu'il m'examine. Qu'est-ce que M. Armand a dit au téléphone? C'est la secrétaire qui a téléphoné. Oui, et bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Que M. Armand n'avait pas pu venir hier soir parce qu'il avait été retenu, mais qu'il viendrait sûrement ce soir. Elle a dit sûrement? Oui, madame. Je sais bien, merci. Te voilà rassurée. Qu'est-ce que vous regardez? Une ombrelle dans la prairie. Oh, c'est Mélanie Laroche et son fils. Ils viennent ici? C'est probable. Oh, il ne manquait plus que ça. T'en vas? Ah oui. Pourquoi? Si vous trouvez que le spectacle de Bob Laroche est indiqué dans ma situation, je devrais autant ne pas accoucher d'un monstre si ça ne vous fait rien. Tu montes dans ta chambre? Va doucement. Et appelle Marie pour qu'elle t'aide à monter l'escalier. Et puis, veux-tu dire en passant à leur fils qu'on sert le thé? Elle n'embellit pas, la pauvre petite. Ça n'a jamais embelli une femme d'être dans son état. Moi, c'est surtout son caractère qui m'inquiète. Il s'aigrit de plus en plus. Elle sera comme sa mère. J'en ai peur. Enfin, c'était un beau parti. Quand ils se sont mariés, oui. Mais depuis 18 mois, son père n'a plus versé un sou d'intérêt à Maxime. Lui aussi a de grosses difficultés. Voilà Frimousset qui s'agite. Il sent que l'heure du thé approche. Voici Mélanie. Oh, cette bonne Mélanie. Bonne? C'est une façon de parler. Elle est gaie, elle m'amuse. En voilà une qui ne se tourmente pas. Si les Laroche se tourmentaient. Ça va aller vous surprendre. Oh, mais c'est une très bonne idée. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Mélanie. Bonjour, madame. Bonjour, Bob. Je vous apporte une rose de mon jardin. Comme c'est gentil. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mon cher enfant. Asseyez-vous, on apporte le thé. Ah, ça je vais bien, je meurs de soif. Nous sommes passés par le bord, il faisait une chaleur. Vous êtes venu à pied de chez vous? Oui, tout du long. J'ai mesuré il y a 3 kilomètres. Oh, ça ne m'étonne pas. Mais j'ai dit à la voiture de venir nous chercher. Mais oui, tu vas avoir ton lait, reste tranquille. Je n'ai pas mis dessus. Non, jamais, merci. Alors, racontez-moi un peu les dernières nouvelles depuis hier. Comment vont vos hommes? Bien? Merci. Toujours acharnés au travail, le père et le fils? Il faut bien. Et les affaires? Les affaires? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on raconte? Mais qu'est-ce qu'on raconte? Mais Jérôme songera à passer la main, c'est vrai? À passer la main? Oui, à des gens de Lyon. Mais qui vous a dit ça? Ça, ma chère, je suis incapable de m'en souvenir. Oh, c'est un bruit qui court, voilà tout. Et le jour où Jérôme songea à se retirer, il y a Maxime. Bien entendu. Mais on prétend que devant la situation actuelle, il préférerait arrêter les frais et que l'affaire serait reprise par ces gens de Lyon. Mais il n'est pas question de ça, une seconde. J'en étais sûre. Nous avons eu des difficultés, comme tout le monde. Parbleu. Mais la maison en temps fort n'est pas reçue. Mais voyons, les gens ne savent qu'inventer en ce moment. C'est une véritable épidémie. Depuis mon arrivée, je n'entends parler que de catastrophes, de familles ruinées, d'affaires en faillite. Ça finit par devenir monotone, merci. Je ne sais pas si tout va aussi mal à Paris, mais au moins, on y parle d'autre chose. Enfin, je suis bien contente de ce que vous me dites. J'en ai jamais douté, mais tout de même, ça me fait plaisir. Ouf, ça change un peu. Et Loulou, comment va-t-elle? Elle est un peu fatiguée, elle est montée se reposer. C'est pour quand, son bébé? C'est pour la fin de l'année. Ah, j'espère qu'elle est prudente cette fois, hein, qu'elle ne s'agite pas trop. Non, elle est raisonnable. Elle n'est pas trop impressionnée par ses deux premiers accidents? Non. Eh ben, elle a du mérite. Si j'étais à sa place. Elle est très courageuse. Ah non, vous êtes des gens heureux, des gens sans histoire. Je vous félicite, ça ne court pas les rues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Lucie. Oh, c'est vrai. Je l'avais oubliée, la malheureuse. Comment va-t-elle? Toujours la même chose? Elle est plutôt mieux. Ah! Quand elle crie comme ça, c'est signe qu'il va y avoir de l'orage, généralement. D'ailleurs, Frimousset aussi sent l'orage. Il n'est pas dans son assiette. Il n'y a rien à faire. Oh, pas grand-chose, je crois. Ah là là là là. Qu'est-ce que dit son mari? Que voulez-vous qu'il dise? Est-ce qu'il s'en occupe un peu? Est-ce qu'il vient la voir? Mais tous les soirs. Oh, ça dure toujours, son aventure avec l'infirmière. Je ne sais pas. Il est très bon pour Lucie, très affectueux. Le reste ne nous regarde pas. Bien sûr. Ça doit être bien triste pour vous, chère madame, de la voir comme ça. Que voulez-vous? Chacun a ses petites misères. Ah, à qui dites-vous? Maman. Quoi? Tu m'as dit de te faire penser à... Ah oui, oui, au fait, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'une demoiselle Antonin Fort, dont un journal de sport vient de publier la photographie dans un groupe de... Hein? Quoi, qu'est-ce que c'était déjà? Des nageuses, non? Oui, des nageuses. Elle a gagné une course de Oui, oui, elle a gagné une course à la nage. De 100 mètres. Une demoiselle en ton enfant? Oui. Tu as porté le journal? Oui, je crois que... Il cherche dans ses poches et en tire un tas d'objets hétéroclites, des bouts de ficelle, un peigne... Il est toujours agité de tics. Voilà. C'est celle de droite. Mademoiselle Antonin Fort, gagnante du 100 mètres d'homme. Ah bien, ce doit être la fille de Marcel. Ah, la fille de Marcel et de... Oui, de cette femme. Moi, il a déjà une fille de cet âge. Ils ont deux enfants, une fille et un garçon. Je peux voir? Le garçon s'appelle Jean-Pierre. Et la fille Anne-Marie, n'est-ce pas ma mère? Oui. Ah, Ça me fait un drôle d'effet. Oui, n'est-ce pas? C'est inattendu. Il n'y a pas de quoi vous émouvoir ainsi, ma mère. Enfin, c'est ma petite fille. Oui. Une très jolie petite fille, si j'en juge par la photo. Oh, il ne faut pas trop se fier aux photos. Oh, en tout cas, elle ne ressemble pas à Marcel. Si, un peu. C'est son expression. La mère a été très belle, je crois. Dans le genre vulgaire, oui, si l'on veut. Vous ne la voyez jamais? Ah, non. Nous l'avons vue sur la scène avant leur mariage, mais pas depuis. Oh, mais c'est vrai, elle a joué ici. Comment? Mais elle a été pendant une saison l'étoile du grand théâtre, c'est là qu'ils se sont connus. Oui, je me souviens. Elle a tout de suite jugé à qui elle avait affaire. Elle s'est arrangée pour avoir un enfant, et 6 mois plus tard, elle l'épousait. Qui est l'aîné, le garçon ou la fille? Le garçon. Il doit avoir une 20aine d'années, et la fille 18. Uh-huh. Et vous n'avez jamais revu Marcel depuis qu'il l'a épousée? Jamais. Jérôme n'a pas voulu. Il faut pas dire ça, ma mère. Vous avez désapprouvé ce mariage autant que nous. Sans doute, ma chère enfant, mais malgré tout... Il ne tenait qu'à vous de voir Marcel si vous l'aviez voulu. Oh, intransigeant comme Jérôme. Jérôme se serait incliné, ma mère. Il aurait fallu discuter, batailler. À mon âge, voyez-vous, on a besoin de tranquillité. Bien sûr. Tout de même, cette petite, ça m'aurait fait plaisir de la connaître. Elle a l'air gentille. Et qu'est-ce qu'il fait, Marcel? De quoi s'occupe-t-il? Il paraît qu'il fait de la peinture. Pas très bonne, je crois. De quoi vivent-ils? Mais Marcel a toujours une part dans la maison. Oh. Oui, une petite part, ma mère, mais enfin, de quoi vivre si l'on n'est pas trop exigeant. Mm-hmm. Ils habitent Paris? Ils ont une petite maison à Bois-Colombes. Oh. Ça ne doit pas être très drôle d'habiter Bois-Colombes. Ah, ça, ma chère, il l'a voulu. Personne ne l'y a forcé. Bien sûr. Cette femme qui a tout fait, Marcel, dans l'affaire. Oh, il a sa part de responsabilité. Son frère a tout essayé pour lui faire entendre raison. Il a été d'une patience, d'une indulgence. Quand l'enfant est né, Jérôme a proposé de le prendre à la pouponnière de Méjean. Et vous savez comme ils y sont soignés. On leur est élevé. On aurait même assuré son avenir. Marcel n'a jamais voulu. Il s'est entêté à vouloir épouser la mère. Peut-être qu'il l'aimait. Allons donc. Il a fait sa part bravade pour nous ennuyer. Oh. Parfaitement. Et le plus fort, c'est que quand il l'a connu, il était à moitié fiancé avec Thérèse Martineau. Thérèse, c'est celle qui louche. Elle louche? Enfin, c'est bien celle qui a épousé Honoré d'Artemar. C'est ça? Eh ben, si vous trouvez qu'elle ne louche pas, qu'est-ce qu'il vous faut? Je ne sais pas si elle louche. Mais ce que je sais, c'est qu'elle avait 75 millions en se mariant. Et qu'elle était fille unique. Matin. De plus, le père Martineau faisait partie du consortium. Et entre lui, papa et mon oncle Fontaine, nous formions la majorité. Jérôme faisait ce qu'il voulait. Voyez l'importance que ce mariage avait pour nous. Je vois. Mais l'entêtement de Marcel a tout fait échouer. Je comprends que Jérôme en ait un peu voulu à son frère. Il a surtout eu pitié de lui. Pauvre Marcel, je me souviens de lui, enfant. Il était gentil, un peu distrait, un peu rêveur. Il l'a prouvé. Oui. Eh ben, veux-tu aller voir si la voiture est là? Mais attendez, je vais le faire demander. Non, non, laissez. Ça le distraira. Bob se prend les pieds dans la laine. Pas mal. J'ai peur. Oui, tu as perdu l'équilibre. Nous avons compris. Merci. Et maintenant, ne t'énerve pas, veux-tu? Non, et regarde où tu mets les pieds. Pauvre Bob, il est si gentil. Oui, oui. Oui, il est brave. Il a 6 ans, mais il est brave. Je le trouve plutôt en progrès. Il y a moins de tics que l'année dernière. Ça dépend des jours. Si je pouvais seulement trouver quelque chose qui l'amuse. Il y a des enfants de 6 ans qui savent s'amuser tout seuls, lui pas. Et quel âge a-t-il en réalité? Il va avoir 28 ans. 28 ans? Oui. Ah, que voulez-vous? C'est l'inconvénient des mariages consanguins. C'est vrai, vous étiez cousin, ce pauvre Hector, et vous? Oui, cousin Germain. Il en est résulté Bob. Mais les affaires de la compagnie Laroche ont été très simplifiées. Je regarde l'heure parce qu'il faut que nous passions à la gare chercher Brincourt qui revient de Paris. Comment va-t-il? Bien. Je lui ai donné une permission de 48 heures pour aller se faire couper les cheveux. Mais il prétend qu'il ne peut se les faire couper qu'à Paris. Enfin, il appelle ça se faire couper les cheveux. Et je fais semblant de le croire. Il est allé me tromper avec une petite police de ses amis. Et il va me revenir tout à l'heure repentant et fidèle pour quelque temps. Il ne faut pas être trop exigeante avec les hommes. Mélanie, oui, mais je fais la part du feu. Eh bien... La voix. Oui, la voix. Est-elle là ou n'est-elle pas là? Elle est là. Bon. Alors, au revoir, chère madame. J'étais bien contente de vous voir un peu. Moi aussi. Au revoir, mon père. Non, pas mal, ne bougez pas, Charlotte. Si, si, je vous... Au revoir, madame. Au revoir, mon enfant. Passons par ici, c'est tout. Oh, attention, Bob, ne t'en fais rien. Alors, au revoir, Charlotte. Au revoir, madame. tu veux. Te promener. Tout à l'heure, c'est encore trop tôt. Quelle heure est-il? 6h30, madame. Dans un quart d'heure, nous irons nous promener. Monsieur a fait téléphoner qu'on serve le dîner à 7h30 parce qu'il doit prendre le train de 9h pour Paris. Ah. Qu'est-ce que signifie ce départ? Pourquoi Jérôme a-t-il besoin d'aller à Paris? Ses affaires, sans doute. Il n'y a pas d'affaires le dimanche. Il va peut-être se faire couper les cheveux, lui. Je vous en prie, ma mère. Tu sais ça pour ouvrir. Je le pense bien. Mais croyez-moi, laissons ce genre de plaisanterie à Mélanie. Encore, j'aimerais autant qu'elle s'en abstint chez moi. Enfin, chez vous. Si on ne peut plus plaisanter, alors? Et à propos de Mélanie, j'ai été assez surprise que vous parliez devant elle comme vous l'avez fait, ma mère. À quel sujet? Au sujet de Marcel. Soyez sûre que ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez eu l'air d'insinuer que c'est nous qui vous avions empêché de continuer à le voir après ce mariage. Mais pas du ça. C'est certainement ce que Mélanie a compris, en tout cas. Ce qu'elle va raconter partout en sortant d'ici. Allons, bon. Ce n'est pas spécialement agréable pour Jérôme ni pour moi. Pourtant pas dit grand-chose. Il paraît que c'était encore trop. Quand il viendra quelqu'un, nous irons dans notre chambre, Frimoussette. Comme ça, nous ne nous ferons pas attraper. Je ne vous attrape pas, ma mère. Je vous fais simplement remarquer. Oh, voilà l'auto. Ce sont eux qui arrivent. Nous allons savoir ce qui s'est passé cet après-midi. Tu vas pour Paris. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, maman. Oui, Loulou. Les Laroche sont venues goûter, elle n'a pas voulu voir Bob. Elle est montée s'étendre dans sa chambre. Tu ferais bien d'aller un peu la retrouver. Elle a été très nerveuse tout l'après-midi. On sait bien, j'y vais. Ouf. Tu es fatiguée. Oh, mort. Pourquoi vas-tu à Paris? Je t'expliquerai. Charlotte, voulez-vous m'aider à me lever, ma chère petite? Il faut que j'aille faire sa promenade à Frimousset. Et ça ne vous intéresse pas, ma mère, de savoir le résultat de cette réunion? Mais ma chère enfant, si je ne l'emmène pas promener, il va me faire une vie impossible. Allons, viens! Et ne cours pas dans les massifs, n'est-ce pas? Autrement, je me fâcherai. En dehors de son chien, plus rien ne compte. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce qui a été décidé? Oh, laisse-moi souffler un instant, veux-tu? Pauvre. Je n'en peux plus, quel métier. Si tu prenais une douche. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Depuis 6h ce matin, je me bats avec ces crocodiles. 6h de discussion avec une demi-heure pour déjeuner, le temps d'apprendre que les ouvriers de mes gens se mettent en grève lundi s'ils n'ont pas l'augmentation qu'ils ont demandé. Non. Ils savent que j'ai un délai de livraison pour cette commande de la guerre, ils en profitent naturellement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais transiger. On leur donnera la moitié de ce qu'ils demandent et ils seront contents. Ah, si j'avais pu avoir les Lyonnais à si bon compte. Mais vous êtes tout de même arrivé à un accord. Mais à quel prix? Ils ont une option de 6 semaines pendant lesquelles ils avalisent notre papier, ce qui nous permet de tenir le coup avec les banques. Mais à la levée de l'option, ils entrent de moitié avec nous. Comment? De moitié? Oui, oui. Mais c'est effrayant. C'était encore bien plus effrayant si nous ne nous étions pas entendus. À ce point-là? À ce point-là, oui. Mais tu restes toujours administrateur délégué. Bon, je reste administrateur délégué, mais c'est Grenier qui prend la présidence du conseil avec voix prépondérante en cas de partage. Oh, tu as accepté ça? Ah, il a bien fallu. Mais alors, en somme, ils deviennent les maîtres de l'affaire? Théoriquement, oui. Pratiquement, ça dépend. De quoi? Ah, de ce que fera Marcel. Marcel? Oui, et de cet idiot que tout dépend. C'est comique, mais c'est comme ça. Il ne fait pas partie du conseil. Ben justement, il faut qu'il en fasse partie. Et attention, s'il ne le fait pas l'imbécile, de poser sa candidature à la prochaine assemblée. Il lui reste près de 500 actions, c'est très normal. Seulement pour ça, il faut que je sois sûr qu'une fois nommé, il ne me tirera pas dans les jambes. Il n'a pas pensé à ça, Grenier? Oh, que si. Alors? Il a son idée, probablement. Laquelle? Racheter en sous-main les actions de Marcel avant l'assemblée, du moins c'est ce que je suppose. C'est pour ça que tu vas à Paris? Oui, oui. Tu veux arriver avant lui? Oh, je vais prendre l'intention de racheter les actions de Marcel. Il n'a pas voulu les vendre quand l'affaire marchait, maintenant qu'il les garde. Seulement, je ne veux pas qu'il les vende aux autres. Et c'est que... Il ne doit pas rouler sur l'or, Marcel. Là, je ne pense pas, non. Il pourrait se laisser tenter. C'est ce qu'il faut empêcher. Mais comment? Je compte un peu sur mon éloquence et beaucoup sur sa stupidité. La seule chose qui serait ennuyeuse, c'est s'il refusait de me voir. Tu l'as prévenu de ta visite? Non. J'aime mieux arriver à l'improviste. Si tout se passe bien, je te préviens qu'il faudra probablement les avoir ici. Ici? Oui. Tu vas les inviter? Oui. Tu veux que je reçoive cette femme? Ce sera nécessaire. Oh, Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Si. Cette ancienne actrice qui a eu je ne sais combien d'amants. Mais quand elle en aurait eu le double, qu'est-ce que ça peut me faire? Voyez que tu avais compris la situation. J'ai besoin de rétablir le contact avec Marcel. Il faut que vis-à-vis des autres, nous formions un bloc sans fissure. Une famille, quoi. Il est nécessaire pour ça qu'il vienne ici? Ben, c'est la façon la plus simple et la plus rapide de rétablir la cordialité. Il faut ramener à nous cette femme qui fait de lui ce qu'elle veut et qui ne doit pas nous porter dans son cœur. De quoi aurons-nous l'air vis-à-vis de tout le monde? Oh, alors ça. Après tout ce qu'on nous a entendu dire sur elle et sur ce mariage, on trouvera que nous manquons vraiment de dignité. La dignité est une chose, les affaires en sont une autre. Ça ne m'amuse pas plus que toi de les avoir ici. Mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour arriver à ce que je veux. Maintenant, si tu as une autre idée, alors... Mais pourquoi ne pas lui racheter ses actions, tout simplement? Avec quoi? Oh, ben, je ne sais pas. Peut-être que si tu en parlais à papa, il... Oh! Et ton père avait de l'argent disponible, je suppose qu'il ne m'en aurait pas refusé quand je lui en ai demandé pour mon échéance du 30. Non, et puis je connais Marcel. Hein. Il suffirait que je lui fasse une offre pour qu'il se méfie et refuse. Pour les imbéciles, se méfier, ne rien faire, c'est être prudent. Et d'ailleurs, beaucoup là-dessus que je compte pour l'empêcher de vendre au Lyonnais. Mais pourtant... Ah, écoute, Charlotte, je t'en prie. J'ai l'habitude de réfléchir avant de me décider. Si je t'ai parlé de cette invitation, c'est que j'ai reconnu qu'elle était nécessaire. Donc, prends-en ton parti. Et préparons-nous à tuer le veau gras en l'honneur du retour de l'enfant prodigue. Bien. Hein. Pour combien de temps vont-ils venir? Non, c'est rien, on va voir ça. Faut d'abord qu'ils acceptent. Ils accepteront. Je suis pas sûr. Mais si. Et où est-ce que je les mettrai? Eh bien, mais au premier. À côté de Lucie? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a qu'à remettre Lucie et Lagarde au pavillon. Faut que s'écrire, on commence à muter les passants. Oh, elle crie pas tant que ça. Non. On voit bien que tu n'es pas souvent ici. Alors, quelle est ta solution? Et pourquoi ne pas les mettre là au pavillon? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils se sentent flattés de venir ici. Elles surtout. Si tu les mets au pavillon, ils se croiront relégués, traités en parents pauvres. D'ailleurs, il n'y a que deux chambres convenables au pavillon. Ça ne suffit pas? Bah, il en faut une pour eux et une pour chacun des enfants. Ça fait trois. Ah, tu invites aussi les enfants? Bah, évidemment. Bon, très bien. Je n'ai qu'à leur donner ma chambre, ça arrangera tout. Ah, écoute, Charlotte, je t'en prie. J'ai eu une journée très dure, je suis à bout de fatigue. Épargne-moi tes susceptibilités, veux-tu? On mettra à tous les quatre premiers. Hein? Alors, il faut aussi que je déménage Armand. Je le déménage. Pour ce qu'on voit, celui-là. Où vais-je le mettre? Ah, où tu voudras. Au pavillon, tiens, à côté de sa femme. Comme ça, il s'occupera un peu d'elle pour une fois. Je veux bien. Mais c'est toi qui le lui diras, moi je ne m'en charge pas. Oui, je le lui dirai. Et puis je lui dirai encore autre chose, Armand. Sais-tu à combien se sont montés les frais de laboratoire en juillet? 180 000, ma chère. Non. Si. Il exagère un peu, le cher beau-frère. C'est ce qu'il appelle soigner gratis les ouvriers de mes gens. Il est probable que Mademoiselle Alvarez a eu besoin d'une robe d'été. Mais il va falloir que ça change. L'époque des vaches grasses est passée pour lui comme pour tous les autres. À toi là, mon grand. Tu as vu Loulou? Non, elle était dans le noir, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête, alors je l'ai laissée. Oh. Tu es fatigué, toi aussi. Ah oui, plutôt. Ouais, je vais me changer. Tiens. Je te conduirai à la gare, si tu veux. Non, il n'y a pas commandé de chauffeur. Bon, il faut que j'aille en ville après le dîner. Alors 7h30 le dîner, n'est-ce pas? Oui, oui. Il faut que tu retournes en ville après le dîner? Oui. Il me semble que tu y vas bien souvent depuis quelque temps. Pas spécialement. Tu rentreras tard? Je ne sais pas. Ce n'est pas très gentil pour Loulou qui ne te voit jamais, qui n'a pas une vie bien gaie. Oh, elle se passe très bien de me voir. Quand je suis là, elle me dit que des choses désagréables, alors bonsoir. Elle est nerveuse, ça tient à son état. Mais tu ne devrais pas lui en vouloir. Oh, mais je ne lui en veux pas. Dis-moi, je peux demander au jardinier de me cueillir quelques roses. Tu veux des roses? Oui. Pour emporter? Oui. Ah. Eh bien, va le lui dire, mais qu'il ne les apporte pas ici, au moins. Mais non, sois tranquille. Nous avons fait le tour de la grande pelouse. Fribouille, ça n'en peut plus. Tu n'en peux plus, n'est-ce pas? Voilà ce que c'est que de courir après les pigeons. Je ne sais pas ce qu'il a contre les pigeons. Il retourne encore chez cette femme après le dîner. Qui? Maxime. Hein? Ça fait deux fois en 8 jours. Je me demande comment Loulou ne devine rien. Oh, une auto. C'est Armand, probablement. Oh, ça se trouve bien. Voilà mes lourdeurs d'estomac qui recommencent. C'est le fromage à la crème, ma mère. Je vous ai prévenu, vous ne le digérez pas. J'en ai pris à peine. Vous en avez pris deux fois, ma mère. Je ne crois pas du tout que ce soit le fromage à la crème. Ah, ma mère, je vous salue. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir, Armand. Oh, il fait meilleur ici qu'en ville. Ouf! Ah, c'est un vrai bain de vapeur là-bas. Avec ça, j'ai eu un travail fou. Depuis 8 heures ce matin, je n'ai pas arrêté. J'ai même cru au dernier moment que je ne pourrais pas venir. On m'a amené une gosse de 3 ans avec une brûlure à l'épaule au second degré. La mère à moitié folle, une petite sœur qui hurlait. Enfin, c'était complet. Et comment ça va ici? La réunion de cet après-midi s'est bien passée? C'est arrangé avec les Lyonnais? C'est arrangé. Sinon, je... Bravo, ça, Jérôme est de bonne humeur. C'est beaucoup dire. Ouais, bah ça se tassera, ça se tassera. Il est obligé d'aller à Paris, il prend le train de 9h. Ah, ben je peux le reconduire à la gare, s'il veut, faut que je retourne en ville après le dîner. Ah, vous aussi? Comment? Maxime y va, il mettra son père au train. Ah bon, et à part ça, quelles sont les nouvelles? Comment va Loulou? Comme d'habitude. Si vous repartez après le dîner, vous feriez bien d'aller voir Lucie. Elle n'a pas été très bien depuis hier. Comment, elle a encore eu une crise? Oh, pas une vraie crise, mais elle a été très nerveuse toute la journée. Bon, ben je montrerai tout à l'heure. Et puis, il y a mon estomac qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il a, votre estomac, ma mère? Toujours la même chose, des lourdeurs. Ah. Elle a pris deux fois du fromage à la crème à déjeuner, c'est forcé. Un peu de bicarbonate de soude avant de vous mettre à table. Je pourrais dîner tout de même. Mais oui, mais oui. Ah, voilà Madame Loulou en personne. Bon sang, quelle toilette! Elle n'a pas l'air très malade, la petite dame. Hein? Bonsoir. Comment tu t'es changée? Il ne fallait pas. C'est une fatigue bien inutile dans ton état. C'est pas très fatigant de changer de robe. Comme tu voudras. Je croyais que tu avais si mal à la tête. Oui, ça va mieux. Ne reste pas debout, au moins. Allons, étends-toi là, bien sagement, et n'en bouge plus. Hein? Maman, c'est déjà le premier coup? Mais le dîner est à 7h30, ma mère, à cause de Jérôme qui prend le train. C'est vrai, je n'y pensais plus. Frimousset n'en revient pas, ce changement d'heure. Allez, viens, il faut aller vous apprêter. Je monte avec vous. Armand, vous n'oublierez pas de monter voir Lucie, n'est-ce pas? Oui, j'y vais. Ah bien, charmant. Quoi? Mais j'espérais que vous pourriez m'examiner. Mais je vois qu'il faut y renoncer. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Non. Allez voir tante Lucie. C'est bien plus important que moi, voyons. Bon, ne sois pas bête et dis-moi ce qui ne va pas, quoi, la tête? Ah oui. Oh, puis mon cœur qui m'a fait mal toute la journée. Bon, eh bien, voyons un peu ce cœur. Oh, cachez ce sein que je ne saurais voir. Oh. Quoi? Comme si ça vous faisait quelque chose. Ah ben, qu'est-ce que tu en sais? Le sein de Mademoiselle Alvarez, peut-être, mais pas le mien. Tu veux recevoir une claque? Osez dire que ce n'est pas vrai. Oui, respire doucement et ne parle pas. Hein. C'est à cause d'elle que vous n'êtes pas venu hier soir, n'est-ce pas? Mais je t'ai dit de ne pas parler. C'est bien étonnant qu'elle vous ait permis de venir aujourd'hui. Oh, à coup de 28 heures, ou non? Je vous aime. Tu es folle? Je suis peut-être folle, mais je vous aime. Je vous aime, entendez-vous? Ouais. En tout cas, ton cœur n'a absolument rien. Mais qu'est-ce que ça me fait? Je sais bien que je mourrai quand même, alors. Ah, ça sûrement, seulement avec ce cœur-là, tu en as pour 70 ans, ça je t'en préviens. Non, je mourrai au moment de l'accouchement, je le sais. D'ailleurs, je préfère ça. Ah, bah alors c'est parfait. Ça vous se dégage ton cœur, n'est-ce pas? Oh, écoute, tu es ridicule, je ne te réponds même pas. Mon clairement. Quoi? Jurez-moi que vous m'embrasserez avant que je meure. Entendu. Vous jurez? Ouais, tu sais, ça n'est pas spécialement agréable d'embrasser une moribonde. Alors embrassez-moi tout de suite. Mais non, mais quoi, veux-tu me lâcher? Je t'en prie. Mais c'est stupide, mais voyons. Mais qu'est-ce que ça vous fait, puisque je vous le demande? Tiens, là. Tu es contente? Merci. Eh bien, voilà ton mari. Oh, je ne veux pas qu'il me fasse. Ne sois pas ridicule, voyons. Oh, reste là. Complètement marteau. Ah, bonsoir, en clairement, tu es seul. Loulou était là et elle vient de monter. Je ne l'ai pas trouvée mal. Elle se plaint un peu de son cœur, mais c'est nerveux, elle n'est rien. Ah. Dis-moi, je voudrais te demander quelque chose. Quoi? J'aurais besoin de m'absenter une huitaine de jours à la fin du mois. Ah, ça va, j'ai compris. Germaine part demain pour Royan, je lui ai promis d'aller la rejoindre. Et alors? Oh, bah tu connais le patron, si je lui parle de vacances, surtout en ce moment, avec Loulou qui ne peut pas bouger d'ici, ça va faire un drame. Alors j'ai pensé... Alors tu veux que je te reconnaisse malade et que je t'envoie faire une petite cure d'air au bord de la mer? 8 jours, pas plus. Viens me voir un matin à la clinique, on arrangera ça. Oh, merci, t'es un frère, mon oncle. Voilà ton père. Salut, patron. Si tu t'es arrivé. Et alors, il paraît que c'est arrangé avec les Lyonnais, là, tu es content? Content. Enfin, à ce propos, j'y ai de parler. Je t'écoute. Maxime, laisse-nous un instant, veux-tu? Oui, père. On m'a remis les comptes du laboratoire pour le mois dernier. Ah oui! 180 000. quelque chose comme ça, oui. 187 150 exactement et 150 000 le mois passé. Oui, et alors? Alors, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces chiffres. Ça, je suis désolé, mais je peux pas les changer, moi. Si. Comment? Il va falloir les changer. Mais tu ne te rends pas compte de ce que coûte l'entretien d'une clinique? La clinique entre pour très peu de choses là-dedans. Ah, mais je te demande pardon. Bon, je connais les dépenses de la clinique. Bon, on ne peut pas les séparer des autres, tout ça se tient. Pas forcément. En tout cas, il a toujours été entendu qu'en échange des soins que je donne à tes ouvriers, tu me fournissais les moyennes pour suivre mes travaux de laboratoire. Tant que c'était possible, oui. Maintenant, ça ne l'est plus. La situation de la société n'est plus ce qu'elle était. Il va falloir réduire les frais, tous les frais, toi comme les autres. Et pour commencer, supprimer ce laboratoire, c'est un luxe. Ah, supprimer le laboratoire, simplement. Oui. Et laisser là mes travaux. Mais tu t'occuperas autrement, tu auras plus le temps, tu pourras faire de la clientèle. Ah, ça, mon cher Jérôme, si j'avais voulu faire de la clientèle... Eh bien? Hein, non, rien. Ah, si. Si, achève. Si tu avais voulu faire de la clientèle, tu n'aurais pas épousé Lucie, n'est-ce pas? C'est ça que tu allais dire. Oui, peut-être. Eh bien, mec, veux-tu? Il arrive à tout le monde de faire des mauvaises affaires. Celle-ci a été bonne pour toi pendant 15 ans. Maintenant, elle est moi. Voilà tout. Tu n'es pas tellement à plaindre, tu sais. Quels sont ceux qui, depuis la crise, n'ont pas eu à se serrer le ventre? Il n'y en a pas beaucoup. Ben, il y a toi. Moi? Ben oui, toi. Je ne me suis pas serré le ventre. Ah ben, ça ne s'est pas vu, en tout cas. Quand depuis 2 ans, nous n'avons pu distribuer un sou de dividendes. Ah, ben ça, je te remercie, j'en sais quelque chose. Mais qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de vivre? Comment est-ce que ça a changé? Oui, as-tu un domestique de moins, une automobile de moins? As-tu vendu tes tableaux? As-tu supprimé ta chasse? J'ai fait comme tout le monde. J'ai vécu sur mon capital. Allons donc, hein? Mais des histoires, c'est pas à moi qu'il faut raconter ça. Tu as fait comme les petits camarades. Tu as supprimé les dividendes parce que tu n'étais pas seul à les toucher. Il aurait fallu partager avec nous. Mais tu n'as pas supprimé tes appointements de directeur et d'administrateur délégué, hein, vieux frère? Et tout travail mérite salaire, le mien comme celui des autres. Oh, bien sûr. Et puis quand ce salaire-là ne suffit pas pour payer les dépenses de la maison, il y a le compte frais généraux qu'il a pour un coup, hein. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, on la connaît, la comptabilité des affaires de famille, c'est la forêt de Bondy, hein. Va un peu loin, Armand. Oh, c'est pas toi qui as inventé le système, mais tu n'es pas seul à le mettre en pratique, ça, bien sûr. Charbonnier et maître chez lui, pas vrai? Tant pis pour ceux qui ne seraient pas contents. Seulement, après tout ce que tu lui fais payer à la société, je trouve que tu peux vraiment y ajouter les capsules de mon laboratoire. Je ne saisis pas bien ce que tu veux insinuer. Tous les livres sont à la disposition des actionnaires. Et après, crois-tu à assez bête pour supposer que j'y trouverai quoi que ce soit d'irrégulier? Si tu as cette idée, pourquoi n'en parles-tu pas à la prochaine assemblée? Bon, gros malin, tu as la majorité à toi tout seul, à quoi ça me servirait-il? Tu te trompes. Je ne l'ai plus. Elle passe au groupe de Lyon. Non, pas possible. Si. Tu aurais accepté ça, toi? Sans, ça m'étonnerait. Mais tu le verras. Raconter ta petite histoire aux gens de Lyon, ça les intéressera beaucoup. Mais non, je leur raconterai pas ma petite histoire. Si, mais si. Et tu as l'intention de m'embêter. Ne t'en prive pas, mon ami. Vas-y, quand tu voudras, je t'attends. Mais qu'est-ce qui te parle de ça? Mais je n'ai nullement l'intention de t'embêter, mais au contraire. Bah, tu sais très bien que si tu avais jamais des difficultés avec les Lyonnais, tu me trouverais à tes côtés, mais ça va de soi. Tu es mon beau-frère. Tu as toujours été très gentil avec moi. Jusqu'à présent, nous nous sommes admirablement entendus. Hein? Pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas, hein? Alors, voyons, sois raisonnable. N'allons pas nous chamailler pour cette malheureuse histoire de laboratoire. Et, hein, tu as été bien content de l'avoir, mon laboratoire, quand il s'est agi de ne pas déclarer au fisc tous tes bénéfices. Hein? Il t'a rendu quelques petits services à ce moment-là, non? Alors, faut pas être ingrat aujourd'hui. On verra à réduire un peu les dépenses s'il le faut absolument, mais de là à tout supprimer, non, non, il n'y a pas de raison. La maison Antonin Fort n'en est tout de même pas là. Alors, ok, on est d'accord? Nous en parlons. Mais oui, mais oui. Et si on ferait une serre, comment va-t-il? Il n'aime pas la chaleur. Cette température orageuse ne lui va pas du tout. Oui, mais il n'y a qu'à le tondre, il aura moins chaud comme ça. Le tondre? Alors, ah, voilà la soupe. Encore? Non, pas encore, nous avons à parler, Jérôme et moi, je monterai après le dîner. Hein. Alors, si vous voulez que nous passions à table... Eh bien? Qu'est-ce qu'il y a à dîner? Des truites en gelée, une selle d'agneau aux champignons et un foie au porto. Ça te plaît? Et pas faim. venez d'entendre le premier acte de Les temps difficiles, pièce en quatre actes d'Édouard Bourdet. Au deuxième acte, nous sommes chez Marcel, frère de Jérôme. Le décor représente un intérieur très simple, servant de salle à manger, avec un divan sur lequel couche le fils Jean-Pierre. Cette pièce est au rez-de-chaussée d'un petit pavillon à Bois-Colombes, où demeure la famille de Marcel, qui est artiste peintre. Sa femme Suzy, ainsi que leurs deux enfants, Anne-Marie, une grande et belle jeune fille, très vive, très sport, et son frère Jean-Pierre, qui s'occupe de cinéma. Anne-Marie prépare des tartines. Dormir. Tu sais l'heure qu'il est ? Ça m'est égal. 11h. Bon, vrai. Tiens, regarde. Tu l'as avancé. Oh, allez, lève-toi, sinon maman va rentrer, ça fera un drame. Zut ! Allez, lève-toi ou je te chatouille ! Allez, vas-tu te lèver ? Aïe, allez, laisse-moi tranquille. Tu te lèveras ? Oui, oui. Oui, bon, et eh ben allez, louste. Ah, à l'autre maintenant. Papa ? Papa ? Papa, faut te lever, il est 11h. Déjà ? Oui, et ben maman va rentrer de la messe, tu ferais bien de te dépêcher. Qu'est-ce que vous allez prendre tous les deux si elle vous trouve encore couché ? Son frère s'est recouché. Elle sort sur la pointe des pieds et sonne à la porte d'entrée. Jean-Pierre bondit de son lit. Marcel sort précipitamment. Ils viennent tous les deux à la table et se servent leur déjeuner. Je savais bien que ça vous ferait le même. C'est toi qui as sonné ? Moi, naturellement, elle a imité le coup de fenêtre de maman. Attends un peu, ma vieille. Tu vas voir cette fessée qui va recevoir. Papa ! Allez, papa ! Allez, papa ! Comme un flanc sous une gifle. Oh, je voudrais bien voir ça. Alors, qu'il laisse ça un peu chiche. Allez, tu me mets au défi. Ouais. Allez, vas-y, ne laisse pas intimider. Eh ben, tiens. Oh, tu m'as fait mal. Oh non, je t'ai pas fait mal. Oh, non. Oh, regarde, là, tu vois pas qu'elle se tord. Si je t'ai fait mal, je te demande pardon, mon chéri. Tu recommenceras plus. Je te le jure. Et tu crois que c'est le moyen qu'elle te respecte? Ça y est, le café est froid. Je pense bien, il y a une heure qu'il est servi. Julie! Mmh. À plus. Quoi? À plus de Julie. Comment hein? Julie? Non, elle a fait dire par le laitier qu'on compte plus sur elle. Charmant. Pourquoi? Oh, ça. Elle a trouvé une meilleure place, probablement. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Maman? Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Elle est allée voir si elle trouvait quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui va faire le ménage en attendant? Toi. Hein? T'es invité à faire ton lit pour commencer. Puis quoi encore? Tes chaussures. Oh, c'est gay, on a même plus le dimanche pour se reposer. Oh, pauvre petit, va. T'es si fatigué que ça. Oh, tu sais à quelle heure je suis rentrée cette nuit? À 2h, ma petite. Depuis midi, tout était prêt. Le décor pour lundi terminé, en place. À 2h, Malinowski s'amène, il dit que ça se passe plus sous Louis XV, mais sous Napoléon. Et qu'il lui faut pour lundi une chambre à coucher en pied. Alors? Ben alors, on a tout mis par terre, puis on a recommencé. Maintenant, peut-être que lundi, il faudra une chambre Moyen-Âge, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu dis là, ma petite fille? Miroir Sprint. Ah, on parle de toi? Non, pas cette semaine. Ah non? Tu ne figures pas qu'on va parler d'elle tous les 8 jours sous prétexte qu'elle a gagné une petite course de 100 mètres en battant 3 fois rien. Oh! Je battais 3 fois rien? Madame, c'est une course de fin de saison. Toutes les bonnes nageuses étaient déjà parties. Dis donc, alors Elva Nielsen, c'est 3 fois rien? Ah, c'est pas grand-chose. Oh, tais-toi, bah, c'est l'envie qui te fait parler. L'envie? Parfaitement l'envie, ça t'embête, hein, qu'on ait publié ma photo dans le miroir et que j'étais toute une semaine dans les actualités. Ah, ça, c'est roulant, pardon. Grâce à qui t'as été dans les actualités? Oui, oh, je sais ce que tu vas dire. Oui, c'est moi qui ai parlé de la réunion la veille à l'opérateur d'éclair journal à Épinay. Tu savais même pas qu'elle avait lieu. Impossible. Oui, il allait pas me faire plaisir parce que c'est un copain. Puis je l'ai même regretté d'ailleurs, parce que ce que tu as pu avoir l'air gourde devant l'appareil, ma pauvre amie. Non, elle était très gentille. Bon, ben naturellement, pour toi, tout ce qu'elle peut être admirable. Non, mais... Ben, et son speech devant le micro, hein. Je suis très content d'avoir gagné le 100 mètres d'âme. J'ai l'intention de continuer mon entraînement, et j'espère faire mieux l'année prochaine. Chérie. C'était charmant, ça. Oui, ben si t'as entendu t'éclairer dans la salle le soir où j'y étais. Mais idiot, enfin, quand j'ai répété ce qu'ils m'ont dit de dire. Puis je voyais maman qui me faisait des yeux terribles parce qu'on m'avait enlevé mon peignoir. Oh, t'avais enlevé? Oui. Ah, tu l'avais bien enlevé toute seule. Oh, ça c'est pas vrai, alors ça, moi je voulais pas, c'est tout qu'on voulait. voulu. Oh, t'étais bien contente d'exhiber tes formes, on te connaît. Qu'est-ce que tu dis, répète-le. Non, mais répète-le, tiens. Alors ça, c'est intelligence. Ah, Marie, oui, oui. Ben, il m'a insulté, c'est bien fait. Oui, bah tu le regretteras, ma petite. Tiens, j'avais justement une commission à te faire, bah tu peux l'attendre. Je m'en fiche pas mal de ta commission. Bah, si tu savais ce que c'est, tu t'en ficherais pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est rien du tout. Tu vois pas qu'il vient de dire ça pour me faire enrager? Bah, tu te trompes. Je dois te dire que tu seras très embêté de pas l'avoir su. Jure-le. Je le jure. Menteur. Bon. Dis là, à moi. Bien, dis-moi ce que c'est. Ah oui, bon, tu lui répètes aussi. Non, je répéterai pas. Parole d'honneur? Ah, pas parole d'honneur. Tiens là. Allez, t'en aller. Attends. Veux-tu t'en aller? Fiche le camp! Non! Oui! Ah. Et quand as-tu dit ça? Hier. Ah ouais? Papa. Mon petit papa, tu vas me le dire. Mais non, mon chéri. Oh, non, non, mais j'ai donné ma parole, oh, mon chéri. Dis-moi seulement qui est la commission. Ah, ça, je peux lui dire, ça. Oh, non. Ah, toi, tu sais... Ah, chameau, là. Si tu crois que c'est un moyen pour que je te le dise, hein? Dis-le moi, je fais ton lit. Ah. Et mes chaussures. Oh non, oh. Ça va tes chaussures. Alors je marche pas. Oh papa, tu vois comment il est, hein. Puisqu'elle frappe. Oui, bah qu'elle le fasse et je verrai. Hein? Oh non, parle d'abord. Qu'est-ce qui me prouve que tu me feras mon lit après? Je te le promets. Oh, t'es promis. Je te le jure. Sur la tête de papa et maman? Ouais. Ah bah c'est dit, ça. Malinovski veut te voir. Oui. Pourquoi? Bah il a l'intention de t'essayer dans son prochain film. C'est vrai? Oui! Il t'a vu aux actualités. Liechtenstein lui a dit que t'es ma sœur. Alors hier, il m'a fait venir au studio, il m'a dit qu'il vienne un de ses jours pour voir si on peut faire quelque chose avec toi. Non. Hein? Il est probable qu'il t'essaiera dans un petit rôle pour commencer, puis si ça marche, bah, il te donnera quelque chose de plus important par la suite. C'est vrai? Oui, oui, bah, c'est ce qu'il a fait avec Ginette Astaire. C'est comme ça qu'il l'a lancé. Dis donc, papa, t'entends? Je pense bien que j'entends. Et dis donc, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, mais j'avais ton pot du tout. Mais dis donc, ce rôle-là où il veut m'essayer, il y a du texte? Oh, ça, je sais pas. Ah, parce que faudrait peut-être que je prenne des leçons. Des leçons de quoi? Je sais pas, moi, des leçons de diction. Pourquoi faire? Ta maman t'en donnera. Maman, tu... Bah, voyons. Ah, bah oui, c'est vrai. Bah, ah, oui, mais c'est peut-être pas la même diction au cinéma. Qu'est-ce que tu crois? Oh, ça n'existe pas, la diction au cinéma. Faut être photogénique, c'est tout. Oh, moi, j'ai l'idée que je le suis, pas toi, papa. Ça, je suis sûr, alors, ma pépé. Ah, bah, ça, on saura ça quand tu auras tourné, pas avant. Dis donc. Tu crois qu'on me paiera? Bon, la première fois, t'auras des haricots. Oh, mais ensuite? Oh, ben ensuite, c'est autre chose. Puis si jamais ça colle, si t'arrives à être vedette, alors là... Et non, combien touche-t-on, là, comme vedette? Oh, je sais pas, ça dépend. La Ginette Astaire a 1 million par film. Un million par film. Et combien peut-on faire de films par an? 3, 4! 4 millions par an, papa, tu entends? Ben, j'aurais cru davantage. Non, 4 millions, c'est déjà quelque chose. On peut avoir une auto et un chauffeur pour ce prix-là, non? Oh tiens, je t'emmènerai. Tu te mettras devant, à côté du chauffeur. Pourquoi devant? T'auras plus d'air. Et puis tu feras mon portrait, tu sais? Un portrait, là, grandeur nature, avec mon chien. Quel chien? Oh, j'aurai un chien, un grand chien, tu sais? Un Varsoï. Oh, dis donc, tu nous vois tous les trois passant dans la rue, puis tout le monde, là, se retournant pour me voir. Non, mais écoute, là. Eh ben, quoi, je serai célèbre? Ouais. Ah, dis donc, alors là, une chose très importante et que nous oublions. Ouais. Sous quel nom est-ce que je vais tourner? Le tien. Comment? Anne-Marie. Antoine Avant. Pourquoi pas? Non, ça c'est très mauvais. Oh, non, c'est mauvais, oui. Impossible. Hey. Reprends le nom de théâtre de ta maman, de Marcy. Quoi? Anne-Marie de Marcy. Oui. Eh ben c'est très mauvais aussi. Pourquoi? Non, d'abord, Anne-Marie, c'est pas un prénom de cinéma. Oh. Pourquoi ça? Bon, y a pas une seule vedette qui s'appelle Anne-Marie. Eh ben ça en fera une. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que tu penses d'Annie? Ah, Annie, c'est déjà moins mal, ça. Oui. Annie quoi? Croche. Ça, non, c'est spirituel, papa. C'est... Plaisante, je sais rien. Alors, bah, ouvre la maman. Oui. Ouvre la maman. Là, t'as assez des cons, non? Allez, tiens, prends ça, il est dans la cuisine. Oui, maman. Oh, oh, fais attention, ce sont des œufs. Oh, bon. Alors, vous n'êtes pas plus habillés que ça, ni les uns, ni les autres? Ah, ben vous nous... savez l'heure qu'il est? Nous bavardions. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Ah bon, moi, on me dit pas bonjour, moi. Non, t'es pas encore rasé, non, toi. Pas encore. Mais, moi, on m'embrasse pas. Mmh. Hein? Dis donc, t'as trouvé une femme de ménage? Oh, Madame Granger m'a promis de m'envoyer quelqu'un demain, mais pour aujourd'hui, il n'y a rien à faire, naturellement. Allez, Jean-Pierre, tu feras ton lit. Ah non, c'est Anne-Marie qui doit le faire. Pourquoi, Anne-Marie? Je lui ai promis, maman. Ah non, j'ai du travail pour toi. Oh, maman! Ah, ben, y a pas de même moment, tu vas m'aider à préparer le déjeuner. Allez, Jean-Pierre, dépêche-toi de faire ton lit, n'est-ce pas? Oh, ben, bah, ça, là! Oh, je vais t'aider! Ah, allez! Hé! Dis donc! Maman! Hé, maman! Waouh! Tu sais pas ce que Jean-Pierre vient de me dire? Non? Oh! Qui a cassé cette tasse? Moi! Mes compliments! Tu sais combien ça coûte une tasse comme ça? Pas fait exprès? Ah ben, ça serait le comble, alors! Allez, tiens! Oh là là! Rapportez ça à la cuisine! Mais maman, écoute! Oui, mais... J'ai quelque chose à te dire! Oui! Mais va d'abord porter ce plateau! Bon, là! Et mets de l'eau à chauffer, veux-tu? Oui, maman! Marcel, quand décideras-tu à l'écraser? Oui, mon chéri, je finis cet article. Pendant ce temps, Jean-Pierre fait son lit, mais d'une façon assez curieuse. Dis donc, pourquoi est-ce qu'elle est partie, Julie? Oh, elle me faisait la tête depuis 8 jours parce que j'avais refusé de l'augmenter. Elle voulait 65 francs de l'heure. Ben, t'aurais peut-être mieux fait de lui donner. Oh, je trouve que c'est le moment d'augmenter nos dépenses. Pas moi. Quand on est aimable frère qu'on sentira adverser quelque chose, nous en parlerons. Mais jusque-là... Moi, je pense que nous ne pourrons même pas partir cette année pour le 15 août. C'est la première fois depuis que nous sommes mariés, ça tient. Oh, on aurait pu partir 8 jours. Avec quoi? Tu as vendu un de tes tableaux? Ah non, bien sûr, mais... Alors, tu sais combien il reste à la banque? Non. 75 000 francs, tout et pour tout. Eh ben, c'est là que nous tombons malades. Il faut payer une opération, la maison de santé. Ben, pourquoi veux-tu que ça arrive? Oh, puisque nous en savons, tu crois toujours qu'il n'y a que les choses agréables qui arrivent, toi. Il en arrive quelquefois. Quoi? Des choses agréables. Il en arrive quelquefois, hein, papa? Oui, quelquefois. Bon, qu'est-ce que vous avez tous les trois à m'en garder comme ça? Dis, t'as une minute maintenant, on peut te parler? Oui. Bon, Jean-Pierre va faire sa toile. Ah non, une minute! Oui. Une minute. Tu as besoin de Jean-Pierre? Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Allez, dis-le, toi. Malinowski lui offre un rôle dans son prochain film. À qui? À Anne-Marie? Oui. Et alors? Ben, alors rien, c'est tout. Comment c'est tout? Mais non, c'est pas tout. Non, il m'offre un petit rôle pour commencer. Mais si ça va, si je suis photogénique, eh ben, il a l'intention de me lancer. De te lancer? Oui. Voyez-vous ça. Et qu'est-ce que tu as répondu, toi? Ah ben, rien, que je vous en parlerai. Eh bien, tu lui diras que nous le remercions beaucoup, mais qu'il n'en est pas question. Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas, tout simplement. Maman! Bon, j'ai pas quitté le théâtre pour voir ma fille entrer au cinéma. C'est pas la même chose! Mais c'est pire, à tous les points de vue. Bah, pas au point de vue galette, en tout cas. Oh, le point de vue galette, comme tu dis, n'est pas tout dans la vie. Nous sommes des gens pauvres, mais nous sommes des gens respectables, et je tiens à le rester. Bon, parce que ça a déshonorant de faire du cinéma. Tu ne le vois pas, ma chérie, mais moi, je le vois, ça suffit. Mais c'est le comble du chic parmi les femmes du monde! Mais tu n'es pas une femme du monde! Tu es une jeune fille que je me suis efforcée de bien élever et je ne veux pas avoir à rougir de toi. Oh, mais maman, écoute, si c'est que ça, je peux jouer sous un autre nom? Ni sous ton nom, ni sous un autre. D'ailleurs, c'est une minute d'insister. Ma petite fille, j'ai dit non, c'est non. D'ailleurs, ton père pense comme moi, n'est-ce pas, Marcel? C'est-à-dire que... Tu n'es pas de mon avis? Si. Mais naturellement... Marie-toi, après tu seras libre de faire ce que tu voudras. Marier? Avec qui? Oh, écoute, tu as 18 ans. Oh, nous avons le temps d'y penser. Oui, avec Émile Corbasson, par exemple. Merci bien. Ça ne sera pas si mal. Oh, ah, monsieur Jules. Tu vois, papa? Les Corbasson sont des gens très bien. Oui, non, mais lui, tu l'as regardé? Il paraît qu'il a beaucoup d'avenir à la Société Générale. Mais je te demande si tu l'as regardé. Il est plein de boutons. Mais ses dents? T'as vu ses dents? Bah, si c'est à ça que vous me destinez. Mais non, je pense que ta maman a voulu dire. Oh, moi, je ne tiens pas spécialement à celui-là, tu sais. Bah, c'est encore une chance. Jean-Pierre, qui est-ce qui te demande ton avis? Tu préfères beaucoup mieux d'aller t'habiller, tu sais, au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas, oui. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Et il ne fonctionne pas toujours quand je te dis de faire quelque chose. Oh, oui. Ça va, ça va. Marcel, est-ce que tu vas te décider à aller t'habiller, oui ou non? Oui, j'y vais. Eh bien, moi, je vous préviens, hein. Le déjeuner est pour midi. Oui. Alors, tant pis pour ceux qui ne sont pas prêts. Oui. Écoute. Non. Écoute, non, mais tu vas pas te désespérer pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux? Ah, bah oui, je t'en veux. T'as même pas été capable de dire un mot pour me défendre. Mais ta maman a un peu raison, dans le fond. Elle a raison de m'empêcher de faire du cinéma? C'est pas une situation pour une jeune fille. Ah non, je t'en prie, papa, pas toi. Ça suffit d'elle. Ouais. Mais elle est monstrueuse avec sa manie de respectabilité, là. Elle finira par nous empoisonner l'existence à tous. Mais non, faut pas dire ça. Oui, bah la mienne, en tout cas. Mais attends, t'as entendu ce qu'elle a dit pour Émile Corbasson? Mais elle parlait pas sérieusement. Mais avec ça, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un dans le même genre. Oh, je sais ce qui m'attend, va. Oh, je sais ce qui m'attend. Vous l'entendez? Qu'est-ce qui t'attend? Eh ben, une vie pas drôle. Une vie pas drôle, toi? Mmh. Ben, je suis bien tranquille. Eh ben, pas moi. Bon, d'abord, toi, tu sais pas ce que tu dis. Oh, allez, allez. Tiens, viens voir. Quoi? Viens avec moi. Pourquoi? Fracas. Oh. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais, hein? Quoi? Avec une frimousse comme ça, mon épouse qui on veut, voyons. Oh, ben j'y compte, oui. T'attends de pas y compter. Ah, dites, le prince charmant, peut-être. Oui, le prince charmant. Oh, mon pauvre papa. Ben, quoi, mon beau papa? Des princes charmants, vois-tu, on n'en rencontre pas tous les jours. Mais, et des belles petites filles comme ça, tu crois qu'on en rencontre tous les jours? Hein? D'abord, je suis pas si bien que ça. Ah, ben c'est pas mon avis, ça. Qu'est-ce que j'ai de bien? Mais tout. Oh, ça. Ben non, pas tout. Oh, non, ça, regarde, ça, c'est pas bien. Monsieur. Hein, puis j'ai trop d'orange. Oh, tu ne trouves pas? Oh, c'est papa. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te dise que tu es laide? Oh, non, bah non, franchement, non. Bah non, je voudrais. Quoi? Bah, je voudrais que tu me persuades que. que je suis jolie, quoi. Bah, viens voir un peu. Oui. Écoute bien. Oui. Si jamais je te rencontrais dans la rue. Ouais. Oui. Et que tu sois pas ma fille. Ouais, et que maman soit pas là. Non. Évidemment! Mais comme tu sors toujours avec elle! Oui, ça c'est vrai. Enfin, je te plais. Oh oui, beaucoup. Oh mon petit papa! Et maman, comment la trouves-tu? Oh, ouais, elle est merveilleuse. Ah oui, elle est jolie, hein, ça. Plus jolie que moi? Oh, ben, c'est pas la même chose. Elle, tu comprends, c'est l'épanouissement. Oui. Toi, moi, c'est le fruit vert, un peu coriace. Mais pas si coriace que ça! Dis donc, t'es toujours amoureux d'elle? Ben, je pense bien. Tu l'as jamais trompée? Jamais. Et elle? Quoi? Elle a jamais eu envie de te tromper? Ben, je pense pas. Ah, pourtant, on a dû lui faire la cour. Ah, mais pas que je sache. Ah, tu l'as peut-être pas dit. Mais non. Puis alors, je vois pas le moment. On est toujours ensemble, alors. Alors, ensemble, vous avez été très heureux tous les deux. Mais j'espère bien que c'est pas fini. Oui? Ah, c'est peut-être ça, le bonheur. Mais c'est pas autre chose, mon petit. Une femme qu'on aime, des enfants qu'on ne déteste pas, et une petite maison pour se mettre à l'abri. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Ah, tout de même. Quoi? Ça doit être amusant d'être riche. Oh, c'est commode, quelquefois. Mais amusant, non. Je sais ce que c'est, si je l'ai été. Oui, alors tu regrettes pas ce moment-là? Ah, fiche trop long. Oh. Alors, dis donc, ouais. Tu me conseilles plutôt un mari pauvre? Ah non, non, il n'est pas nécessaire qu'il soit pauvre, c'est déjà ça. Ah oui, mais ça, là. Tu sais ce qu'il faudrait? Ah. Un mari comme moi. Oh, ben vous, ça tout de suite est hein? Si tu me mets pareil, j'ai dans la tête, comment veux-tu que je ne sois pas déçue? Vous avez fini tous les deux? Non. Marcel. Oui. Tu es rasé? Non. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu me fais la cour. Oh, c'est intelligent, ça. Non, écoute, elle se demande si elle est jolie. Bah, moi, je la rassure. Oh, sois tranquille. Oh. Bah, elle le sait qu'elle est jolie. Elle ne le sait que trop. Oh. Elle devient insupportable. Quoi? Oui, toi. Allez, tiens, prends ça et essuie la table. Et tu viendras m'aider à la cuisine quand tu auras fini. Bon, et ben moi, je vais me raser parce que... Papa, hein? Papa, oh, je t'adore. Oh, ben, moi, donc.